الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل إلينا أفضل الكتب نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا Abduhu wa Rasoulou. Mes très chers frères, on loue Allah tabaraka wa ta'ala d'avoir fait de nous la meilleure des communautés et de nous avoir envoyé le meilleur de ses envoyés et le meilleur des prophètes et de nous avoir révélé le meilleur des livres qui est le Coran al-Karim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith sahih La yashkurullah, la yashkurul nas. Je veux remercier les frères qui ont donné beaucoup de leur temps et pour réaliser, pour qu'on puisse se voir aujourd'hui et pour étudier un cas qui est très grave, qui touche la communauté et qui nous touche tous autant que nous sommes. Naam, il s'agit des drogues et de l'alcool. Alors, comme on va le voir, c'est deux choses qu'on ne peut séparer. Lakin, comme vous le savez tous, mes très chers frères, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un chemin qui mène vers le khayr sans qu'il nous l'ait montré. Il n'y a pas de chemin qui mène vers le char sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait mis en garde contre ces choses-là. Et le Coran, kamil, bihamdillah, le Coran touche à tous les sujets. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans surat Al-Ma'idah Ya ayyuhal ladhina amanu innama al-khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن عمر بن الخطاب أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام الخمر حرام بإجماع المسلمين dans le verset que je citais Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse aux croyants ô les gens de la foi si tu crois en Allah aux anges aux prophètes au livre, au destin et au jour du jugement, alors Allah tabaraka wa ta'ala t'interpelle. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait lorsqu'on entend Ya ayyuhal ladhina amanu, alors on doit y prêter attention, car c'est une recommandation qui va nous être faite, ou alors Allah subhanahu wa ta'ala va nous interdire une chose. Allah s'adresse à tous les croyants. الذين آمنوا بالله الذين آمنوا باليوم الآخر Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous recommander Qu'est-ce qu'il va nous interdire Allah dit إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Ou les croyants En plusieurs traductions, ils disent ni le vin, mais Al-Khamr ne désigne pas que le vin. Ô les croyants, Al-Khamr, ainsi que les jeux d'hasard, les pierres dressées, c'est-à-dire les statues que les kuffars adorent, les flèches de divination, ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit tout ce qui est khamr, et il a cité avec les fausses divinités qui est ash-shirk. Donc ça prouve que ce péché est très très grave, car il est cité avec le plus grand des péchés qui est ash-shirk billah, le péché qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas. Allah il cite le khamr après, en même temps, au même endroit, dans le même passage, dans le même verset, yani que al-ansab. Ça prouve la gravité de ce péché. Un péché qui aujourd'hui est considéré comme la plupart des musulmans comme étant une chose banale. Quel est le but de Shaitan? Pourquoi est-ce qu'il nous incite à pratiquer ce péché-là? Il veut mettre entre nous la discorde, la haine, et nous détourner du rappel d'Allah ainsi que de la prière. Pourquoi? Parce que toute personne qui est proche de l'alcool, toute personne qui est proche, elle est des drogues, il se détourne de l'invocation d'Allah, il se détourne de l'adoration d'Allah, et il se détourne de la salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il est cité clairement l'interdiction. Beaucoup de gens ont encore cette ambiguïté, cette shubha, qu'il n'y a pas de verset clair dans le Coran précisant l'interdiction, ni le tahrim du khamr. Ça, c'est une shubha. C'est une ambiguïté. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fajtanibu. Celui qui comprend l'arabe et qui comprend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam voit clairement ce que veut dire ce verset. Allah il dit Fajtanibu. C'est bien plus pire et plus sévère que de dire que c'est interdit. Fajtanibu veut dire écartez-vous-en, éloignez-vous-en, laissez les drogues et l'alcool sur un chemin et vous prenez et empruntez un autre chemin. Comme a dit Nabiullah Ibrahim lorsqu'il parlait du shirk. Wajnubni ay al-khamr yakunu fi jamb wal-mu'min yakunu fi jamb akhar. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam muslim, hadith d'Abdullah ibn Omar ibn Khattab, il dit que tout ce qui en y recouvre la raison est khamr. Et tout khamr est interdit. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que le khamr c'est uniquement le vin, la bière ou autre. Et c'est pour ça les ulama, ils sont unanimes. Savants de la ummah, ulama al-sunnati wal-jama'ah, ils sont unanimes quant à l'interdiction de al-khamr. Ce n'est pas makruh, c'est haram bi-ijma' al-muslimin bi-ijma' al-ummah. Et donc, à partir du moment où c'est interdit, le rendre lucide, c'est du kufr. Le consommer est un grand péché. Mais celui qui dit, moi je bois, pour moi c'est pas interdit, ou alors moi je fume de la drogue, pour moi c'est pas interdit, j'ai des problèmes, ou autre, qui pense que cela n'est pas halal, et qui le rend halal, alors celui-là, il aura autorisé chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont interdit, et ça, c'est du kufr, mukhrij min al-millah, qui exclut de la communauté. c'est pas une petite affaire, les frères. Celui qui vend des substances illicites, alcool ou drogue, il n'est pas loin, il est très proche du istihlal. Il est très très proche du istihlal. Et toute personne qui rend halal une chose qu'Allah a interdit, ani kafara billah. Kafara billah. C'est pas une mince affaire. Naam. Donc ça c'est ce qui concerne ani le hukm du khamr. Il est haram bittifaq ahli al-ilm à travers le pas avec les preuves du kitab et de la sunna. Naam. Et le ulama il précise encore en disant que al-khamr c'est tout ce qui est boisson, tout ce qui est aliment, même si c'est une plante, tout ce qui recouvre la raison a le même jugement que le khamr. Et tout cela est interdit. Car il faut savoir qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec quoi est-ce qu'ils préparaient leur boisson? C'était à base de dattes, de blé, d'orge, de miel ou autre, qui sont des produits à la base halal. Et parce que ça recouvre la raison, alors ça devient haram. Maintenant, ce qui concerne le iqab de celui qui consomme ou alors qui vend ces substances illicites, elle est dans le dunya et dans l'akhira. Nous a rapporté, elle est dans le sahihain, chez Bukhari et chez Muslim, un hadith de Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah tabaraka wa ta'ala a pris un engagement. Celui qui buvait de l'alcool, il lui fera boire de tinat al-khabal. On lui demanda: qu'est-ce que c'est tinat al-khabal, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et le prophète sallam a répondu: la sueur des gens de l'enfer, le pus des gens de l'enfer, et dans une autre version, le sang des gens de l'enfer. Voilà la sanction. Elle n'est qu'en cours, toute personne qui consomme ça. Et dans le haram, il n'y a pas de quantité. Il n'y a pas de quantité. Tu ne peux pas dire: moi je fume juste un joint, ou alors je bois juste un verre. Abadan. Tout ce qui est interdit en grande quantité est interdit en petite quantité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans un hadith qui est toujours rapporté par l'imam Muslim, il dit que celui qui a bu de l'alcool dans ce monde d'ici-bas en sera privé dans la vie dernière. Ce hadith il est dangereux, les frères. Ce hadith il est très dangereux. Al-Khamr, les gens du paradis, il y a un Khamr pour eux qui est cité dans le Coran. Celui qui consomme ça est dans le dunya, il en sera privé et dans l'au-delà, fil akhirah. Et des hadiths concernant al-khamr, il y en a énormément. On ne peut pas tous les citer, mais on va en citer quelques-uns. Et il faut aussi savoir que celui qui s'adonne, qui consomme ces substances, alcool ou drogue, est considéré dans la charia tel un mushrik, un adorateur d'idole. L'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah rapporte dans son musnad d'après Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui boit d'alcool régulièrement est comparable à celui qui adore une idole. Et ce hadith il a été jugé bon par l'imam Albani rahimahullah. Subhanallah. Il n'y a pas pire que d'être considéré comme un mouchrik. Pourquoi est-ce que celui qui boit ou alors qui prend des substances, alcool ou drogue, il n'y a-t-il le mouchrik? Parce qu'il finit lui-même par devenir esclave de cette propre substance. Il est prêt à tout. Il est prêt à se priver de nourriture. Il est prêt à vendre ses biens. Il est prêt à perdre son honneur. Tout cela pourquoi ? Juste pour avoir une substance. Et des histoires comme ça, on en connaît des tonnes et des tonnes. Des gens qui sont éprouvés par cela, qui agressent leurs proches, enfants, parents. Tout ça pourquoi ? Ni pour une substance. Allah tabaraka wa ta'ala, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans la religion, il y a une hikmah derrière. Tout ce que Allah nous a interdit, il nous l'a interdit parce que c'est mal et parce que c'est mauvais pour nous. Et ça, ça fait partie, il y a des règles et des qawa'id de la sharia. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de halal que de haram. Tout ce qui est interdit, c'est interdit parce que c'est mauvais pour nous. Pourquoi est-ce que l'alcool c'est interdit ? Parce que c'est mauvais. Et regardez les conséquences que ça peut avoir. Regardez les conséquences que la drogue, elle peut avoir. Divorce. Mort. Violence. Déranger les voisins. Ils sont vulgaires. Ça provoque le cancer. De foi. Ça fait perdre la raison. Combien de personnes que nous connaissons ici, dans la mosquée, ont perdu la raison à cause de la drogue. Combien de gens que nous connaissons, encore une fois, ici, dans la mosquée, sont morts à cause de la drogue. Et nous, on vend ça ? Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha » Wallahi, celui qui vend ces choses-là, c'est un shaitan. C'est un shaitan. Car il vient détruire la da'wah des prophètes et des messagers d'Allah. Qu'est-ce qu'ils font les prophètes ? Ainsi que les ulama et les salihin. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ils recommandent le bien et interdisent le mal. Celui qui consomme ou celui qui vend ces substances-là, il fait le contraire. C'est un soldat de shaitan. Yukhrij an-nas min an-nur ila adh-dhulumat. Dans le hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Nasa'i ainsi que l'imam Ahmed et al-Bazzar et al-Hakim, hadith de Abdullah ibn Omar al-Khattab radiallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui a désobéi à ses parents et les a négligés, tout comme le buveur invétéré, ils n'auront pas accès au paradis. Et parmi les conséquences que cela peut avoir aussi, les frères, et ça c'est très très grave, parce que beaucoup se soulagent la conscience en se disant: moi je prie, moi je fais le hajj, moi je fais la umrah, moi je fais le zakat, moi j'aide les gens. Ça n'efface rien du tout. Allah, il n'accepte rien de ces gens là le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement dans le hadith que celui qui consomme et tout ce qui recouvre la raison, Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas leur prière, et cela pendant 40 jours. 40 jours de prière ne sont pas acceptés. 40 jours de prière. C'est énorme, les frères. Déjà, nos prières, elles ne sont pas complètes. On est perturbé. On n'arrive pas à prier correctement. On a du mal à faire la prière comme il nous l'a été demandé, en respectant les conditions, les piliers, ainsi que les sunan. Et si en plus de ça, on commet des péchés pour que nos prières ne soient pas acceptées, et on ne peut pas échapper à cela en disant: vu que j'ai commis tel péché, alors je ne peux pas prier. Non, c'est une sanction. Tu pries mais ne sont pas acceptés. Tu n'auras pas de récompense. Et tu es obligé de prier. Comme l'explique l'imam Al-Milwazi, rahimahullah. Mes très chers frères, il fait partie du danger. Il n'y a de cela. Il n'y a que de vendre ou de consommer alcool. Et ça, c'est l'un des hadiths qui fait encore plus peur. C'est que toute personne qui a un lien direct ou indirect avec ça, il est maudit par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit 10 personnes. Non. Les a rapporté par Abu Daoud, lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Allah tabaraka wa ta'ala a maudit l'alcool, de même que celui qui le consomme. Et quand on dit, comme on a bien cité, un alcool, un khamr, il ne s'agit pas que de l'alcool, mais il s'agit aussi de l'alcool et de la drogue. Et les ulama disent même que la drogue est bien plus dangereuse, c'est bien plus dangereux que l'alcool. Le mufti, Abdelaziz Al-Sheikh Hafidhahullah, il est de cet avis. Il dit que l'alcool, il dit que les drogues, elles sont bien plus dangereuses que, et bien plus dangereux pour la communauté et pour la société que l'alcool. C'est 500 fois plus dangereux. Parce que ça touche énormément de personnes. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit l'alcool. Il a maudit celui qui le consomme, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le prépare, celui qui le presse, celui pour qui il est pressé, celui qui le transporte, celui à qui il est apporté, ainsi que celui qui en profite, et qui profite de son argent ou autre, et celui qui profite et de son prix. Tous le même jugement. Tous sont maudits par Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi, les frères, dans chaque prière, dans chaque rakat, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de sa colère et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous égarer. Et à côté de ça, on fait des choses pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de sa miséricorde. Car la malédiction d'Allah, c'est quoi? C'est qu'il nous éloigne de sa miséricorde. On ne peut pas être là et là. Il faut choisir son camp. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu, udkhulu fi silmi kaffa » Rentrez dans la soumission entièrement. Tu ne bois pas le soir, tu fais les plus grands péchés capitaux et après le lendemain matin, pour soulager ta conscience, tu fais un péché continu. La ilaha illallah. Wallahi, summa wallah. Les dégâts que cela peut faire, c'est énorme. Wallahi, j'ai énormément de parents qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ne dorment plus la nuit. Beaucoup de parents, ils font de l'hypertension. Ils sont inquiets. Tout ça pourquoi? À cause de la drogue. Et dis-toi que tout ce que cela peut engendrer derrière, tu en es responsable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, elle est du muflis, elle est celui qui va tout perdre, elle est le fauché. Il dit que c'est une personne qui va se présenter le jour du jugement et qui aura fait beaucoup d'œuvres. Il aura prié, il aura jeûné, il aura fait le hajj, il aura fait le zakat. Mais du matin, du 8h ou 9h, ou je ne sais autre, jusqu'au soir, il vend du poison. Il vend à la mort, à des musulmans, à des non-musulmans. Et il se sert d'enfants de musulmans. Il se sert de la misère des gens. Il sait que ce qu'il fait, c'est mauvais. Il sait que ce qu'il fait, c'est grave. Pour se soulager la conscience, maintenant, ils prennent même des enfants qui n'ont même pas encore une tamise entre le bon, entre le mauvais et ce qui est bon. Tu vas te présenter le jour du jugement. Wallahi, thumma wallahi, ces gens-là, ils ne vont pas te lâcher. Tous les salats que tu fais, et eux, ils sont là-bas en train de travailler pour toi, ils vont te les prendre. Toutes tes bonnes œuvres, ils vont te les prendre. Et dans Dunia, tu es maudit. Tes prières ne sont pas acceptées. Ça en vaut la peine. Est-ce que ça en vaut la peine? Et regardez, un très grand nombre de ceux qui deviennent toxicaux, c'était des anciens dealers. La roue, elle tourne. Le mal que tu fais, il se retourne contre toi. Tout comme le bien que tu fais, Allah va te donner, va te récompenser. Parce que le croyant, il y en a qui fait du bien, Allah lui donne son ajr dans le dunya et dans l'akhira. Pareil pour celui qui fait du mal. Pareil pour celui qui fait du mal. Tu as rendu les gens esclaves et de matière. Si tu ne te reprends pas, si tu ne reviens pas à Allah, c'est la même chose qui va se passer pour toi ou alors pour tes proches. Ce n'est pas un jeu. Wallahi, c'est très grave. Et en plus de ça, on fait fuir les gens de la religion. On fait fuir les gens de la religion. On a sali la religion d'Allah. On a sali le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la période d'élection, on collait des affiches. On disait, on montrait le Boualabé du doigt et en disant que de toute façon, là-bas, il n'y a que la drogue et des femmes voilées. Wallahi, thumma wallahi, tu vas répondre de ça au jour du jugement devant Allah. Wallahi, tu vas répondre de ça. Et éloigne-toi de toutes les fausses excuses qu'ils ont. Ça ne tient pas la route pour nous dans le din. La misère, parce qu'on est dans la misère, on vend akhira pour dunya. Si on ne peut pas supporter la misère de dunya, comment est-ce qu'on va supporter les flammes de l'enfer? Les femmes, les salaf salih, lorsqu'ils sortaient de chez eux le matin, ils leur disaient, crains Allah, on peut supporter la faim de dunya, on ne peut pas supporter les flammes de l'enfer. Il ne faut pas nourrir ta famille. Il ne faut pas nourrir tes proches en disant j'ai pas le choix. Ça c'est un tazine de Iblis et de Shaitan. Fais les causes. Demande à Allah. Lève-toi le matin. Bats-toi. Va chercher ton risque. Crains Allah. Allah va t'ouvrir les portes. Avant de se mettre derrière la facilité, disant qu'il y a de la discrimination ou autre, Wallahi, ce n'est pas des excuses devant Allah. Wallahi, c'est pas des excuses devant Allah. Ils se servent de ça pour dire oui, mais les jeunes, ils n'ont pas le choix. Abadan, va chercher ton risque. Ton risque, il est fils sama. Ton risque n'est pas dans la main des gens. Wallahi alhamd. C'est pas une excuse, ça, pour nous, les croyants. On doit prendre les causes et on doit faire un tawakkul. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans le sujet, le comportement qu'on doit avoir avec ces gens-là. Déjà, on est obligé de leur faire le rappel. Qu'ils l'acceptent ou pas. Ad-din al-nasih. Ad-din al-nasih. Il est interdit pour le croyant de s'asseoir, de rester avec des gens qui consomment drogue ou alcool. Et ça, c'est le meilleur des rappels. Même si c'est un proche, même si c'est un frère. Et ça, ça va l'aider à revenir et à cogiter. Mais si tu restes avec lui, vas-y, peut-être que lui, il approuve ça. L'imam Bukhari rapporte un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne saluez pas les buveurs d'alcool. Le hajj est permis dans la religion. Et c'est une chose qu'on doit faire. On met les distances. Et le jour du jugement, il ne pourra pas dire, lui, il ne m'a pas fait le rappel. Regardez la gravité et les conséquences que cela peut avoir. Malédiction d'Allah. Prières qui ne sont pas acceptées. Leur boisson sera tinat al-khabal. Le sang et le pu, elle est des gens de l'enfer. Qu'est-ce qui peut supporter ces choses-là? Elle est pour dunya, pour un petit peu d'argent. Wallahi, ça n'en vaut pas la peine. Celui qui est croyant, qui croit en Allah, qui croit au jour du jugement, il délaisse ces choses-là. Nar jahannam, c'est insupportable. C'est insupportable. On ne peut pas supporter les flammes de l'enfer, les frères. On doit s'éloigner de ces choses-là. On doit s'écarter de ces choses-là. Et après, on se plaint. Pourquoi est-ce qu'il y a énormément de maladies? Pourquoi est-ce qu'il y a énormément de divorces? Pourquoi est-ce qu'il y a énormément de problèmes? Et c'est normal. On consomme que du haram. On ne s'habille que de haram. Même les doigts ne sont pas acceptés. Et pour terminer, c'est quoi le remède pour celui qui est éprouvé par ces choses-là, vente ou consommation? Et celui qui est sincère, il se repent, il doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit demander à Allah azza wa jal, avec toute sincérité, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'éloigne de ces choses-là. Qu'Allah azza wa jal l'éloigne de toutes ces choses-là. Et pour les croyants aussi, ils doivent faire dua pour leurs frères qui sont éprouvés par ça. Priez pour eux. Priez pour eux dans leur prière. Priez pour eux lorsqu'ils prient chez eux, en dhahr al-ghayb, pas forcément devant eux. Et aussi leur faire un nasiha. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le début de Sourate Al-Ghafir: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله تبارك وتعالى celui qui accepte la tauba et qui pardonne, غافر الذنب, celui qui pardonne les péchés et qui accepte le repentir de ses serviteurs, et celui qui est aussi dur en châtiment. Lorsqu'il est même Ibn Kathir, il cite le tafsir de ces versets, il raconte une histoire qui s'est passé à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Il y avait une personne qui s'asseyait avec Amir al-Mu'minin. Et pendant un moment, on ne le voyait plus. Et Omar a demandé au sujet de cet homme: qu'est-ce qu'il en est de lui? Et les gens lui ont dit: il a été éprouvé et il est tombé dans la consommation de l'alcool. Et là, Omar ibn al-Khattab, il a appelé. Et la personne qui lui écrit ses lettres lui a dit: écris-lui. Et il lui a écrit ces versets. Naam. Fada'a Omar katibahu faqal: uktub min Omar ibn al-Khattab radiallahu an ila fulan ibn fulan salamun alayk amma ba'd. Naam. أحمد الله وأثنى عليه وقال: أحمد الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. Ensuite, Abu al-Khattab, lorsqu'il a écrit, il lui a écrit ces versets, comme quoi Allah tabaraka wa ta'ala pardonne. Allah, il pardonne tout. Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tout. Le prophète sallam nous dit dans le hadith Qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala yabsutu yadahu fi al-layl li musi'in nahar wa yabsutu yadahu fi an-nahar li musi'il layl. Allah tabaraka wa ta'ala tend sa main la nuit pour les pécheurs du jour et il tend sa main le jour pour les pécheurs de la nuit. Et Dieu aussi, Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis à mes serviteurs, et ceux qui ont sombré dans le péché, dans une traduction rapprochée, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Quel que soit le péché, ce n'est rien à côté de la miséricorde d'Allah. Et celui qui se repent, Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne. وَأَنِبُوا إِلَى رَبِّكُمْ. Revenez à Allah. Revenez à Allah. Demandez-lui pardon. Et Allah Azza wa Jal pardonne. Cessez ces activités-là. Car wallahi, wallahi, thumma wallah, vous ne pourrez porter cette charge, elle est devant Allah. Et celui qui se repent, Allah il lui pardonne. Et lorsque ce message lui est parvenu, après avoir écrit cette lettre, Omar ibn al-Khattab a demandé au compagnon qui était autour de lui et de prier pour lui. Donc la solution est de se repentir. La solution est de an-nasiha, al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar. Ces gens-là, ne pas les laisser. Toujours y être là et leur recommander le bien et leur interdire le mal. Tout le temps leur faire nasiha et de prier pour eux. Car ad-du'a est la plus grande arme que le croyant possède. On fait du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du'a pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les gens. Ses plus grands ennemis sont devenus après les meilleurs et les plus grands des compagnons. Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, comment est-ce qu'il a embrassé l'islam? Al-Nabi, il a fait du'a pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide l'un des... Celui, il a fait du'a pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide l'un des Omar qui était le plus préférable. Et Allah azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala, il a guidé Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qui est ensuite devenu, comme on le sait tous, après Abu Bakr Siddiq, le plus grand des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De faire du'a et tout le temps faire an-nasiha, jamais lâcher et jamais se dire de toute façon ces gens-là ils ne comprennent pas, ces gens-là sont égarés. Là, al-qulub bayna asbi'ayn min asabi' ar-rahman, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuqallibuha kayfa sha. Personne ne peut être aujourd'hui, elle est dans le dalal, elle dans l'égarement, elle est à force de faire du'a, à force de faire du'a pour elle, Allah subhanahu wa ta'ala il finit par mettre un nour al-iman wal-hidayah, elle est dans le cœur de la personne. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens qui acceptent et qui mettent en pratique la parole d'Allah ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارحمنا, اللهم تقبل منا, اللهم تقبل منا, انك انت السميع العليم. اللهم لا تزع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. والله تعالى اعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.